club 6 mois pour des choses que tu veux. Yeah. Et genre, bon, t'es stylé, et t'es sur ton autre but, ça. Thank you.